بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Frères et sœurs en islam, bienvenue encore une fois à l'étude de l'aqidah al-tahawiyya de l'imam Tahawi et l'étude de la croyance islamique de la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Encore une fois, on le rappelle, on est avec le premier chapitre qui traite du concept de la foi, de l'iman. Avant d'entrer dans les détails des fondements de la foi, il faut comprendre c'est quoi la foi. Et on est toujours avec cette grande section qui nous parle de la relation entre l'interne et entre l'externe, entre le cœur et entre les actions. Et des questions qui y sont reliées, ça veut dire en d'autres termes, tout ce qui est relié à la question de ce qu'on appelle en quelque sorte, entre guillemets comme ça en arabe, le takfir, ça veut dire l'apostasie et le fait qu'une personne va sortir de la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On avait expliqué que selon Ahlu Sunnati wa al-Jama'a, n'est-ce pas, on croit que la personne ne sort pas de la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala avec n'importe quel péché. Dernière fois que les retards sont tolérés. Donc, je répète, on a mentionné que c'est seulement pour Al-Khawarij et Al-Mu'tazila, deux sectes connues, qui considèrent que quand une personne commet un péché, n'importe quel péché, ou bien surtout un péché majeur, elle va sortir de l'islam, wal-iyadu billahi subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. On avait dit que selon les gens qui suivent la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ahlu sunnati wal jama'a, ça veut dire le vrai islam que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, la personne ne sort pas de l'islam quand elle commet un péché majeur, sauf si c'est un péché qui est en quelque sorte un péché qui indique le kufr billahi azza wa jal, ou bien qui est considéré comme étant al-kufr billahi subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. On va parler maintenant d'un point très important, relié toujours à la même section, qui est ce qu'on appelle takfiru ahli al-bida'i. Ça veut dire quelle est notre position face aux sectes. Une secte, c'est quoi? Une secte, c'est un groupe de personnes qui s'affilient à l'islam, qui se disent musulmans, mais qui vont se regrouper, qui vont se détacher de la masse, de la majorité des musulmans, à travers certaines innovations qu'ils vont inventer. Qui pourrait nous donner des exemples? Un Shia, par exemple, n'est-ce pas? Shia, c'est une secte, c'est un groupe de personnes, pas un petit groupe, c'est un grand groupe de personnes de nos jours, qui vont s'affilier à l'islam, ils vont dire, nous on est des musulmans, n'est-ce pas? On va s'appeler Shia. Qu'est-ce qui les distingue du reste des musulmans, ça veut dire de la grande majorité des musulmans? C'est certaines croyances qu'eux, ils ont innovées, dépendamment des groupes de Shia, comme par exemple Ar-Rafida ou bien Imamiyya, ils vont dire que, par exemple, nous on croit que tous les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ils ont commis l'apostasie, ils sont sortis de l'islam, à part un petit nombre de Sahaba et de Ahlu al-Bayt. On croit que c'est Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an qui devait être le calife et que les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar et ainsi de suite étaient sur un chemin de dérive et ainsi de suite, ce qu'on appelle une secte. C'est un groupe de personnes qui va se regrouper autour de certaines croyances qui sont en réalité des innovations dans la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Donc, quelle est notre position face à ces sectes-là, aux gens qui vont commettre des innovations et se regrouper autour de certaines innovations? Il nous dit ici, « وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون بقول الخوارج في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا فيقولون يكفر كل من قال هذا القول لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره أو يقولون يكفر كل مبتدع. Il nous dit ici, regardez, il y a certaines personnes qui sont vraiment sur le chemin de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire ils n'ont pas la même croyance que les khawarij. Ils ne vont pas dire que celui qui commet un péché majeur, il va sortir de l'islam. Sauf qu'ils vont tomber dans une erreur qui est semblable sur un autre point, qui est leur position, pas face aux désobéissants, à ceux qui commettent des péchés, n'est-ce pas, à celui qui boit de l'alcool ou bien qui commet la fornication par exemple, mais quand il arrive à leur position face aux sectes, face aux innovateurs. Alors ils vont dire que tout celui qui dit, qui adhère à telle innovation, c'est un kafir. Il sort de l'islam. Ou bien ils vont dire, encore plus grave que ça, tout innovateur devient un kafir. Il sort de l'islam, il sort de la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Est-ce que ça c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. C'est parce que bien sûr, ce n'est pas vrai que tout innovateur va sortir de l'islam, parce que là, ça va devenir grave. On va avoir, n'est-ce pas, des mécréants en masse qui vont sortir de l'islam. Et ce n'est pas vrai aussi que même pour ce qui est des croyances qui sont koufriyettes, en quelque sorte, de certaines innovations, parce que vous savez que ce n'est pas toutes les innovations qui sont sur le même niveau de danger, voyez-vous. Bon, on ne va pas s'étaler sur ce sujet, parce que sinon, ça ne va jamais en finir. Mais en bref, comme ça, les innovations ne sont pas sur le même niveau de gravité. Il y a des innovations qui sont, qu'on appelle bid'a'un koufriya, des innovations qui sont des innovations de koufr, n'est-ce pas, comme la bid'a, par exemple, de Al-Qadariya, n'est-ce pas, qui disent, par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas lui qui crée les événements à l'avance, ou pire encore, c'est pas, il connaît pas qu'est-ce qui va se passer à l'avance. Les détails de toute chose, ça veut dire que c'est l'être humain qui initie son propre destin quotidien. Voyez-vous, ça c'est une bid'a de Al-Qadariya qui va quand même se prétendre musulman, mais qui va croire à une telle bid'a qui est en réalité kufriya. C'est du kufr parce que ça revient à rejeter l'un des piliers de la foi qui est Al-Qadar. Donc une telle bid'a, ce n'est pas comme une bid'a beaucoup plus légère, de loin beaucoup plus légère, de celui par exemple qui va célébrer le maulid du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyez-vous? Et celui qui célèbre le maulid du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas nécessairement tous sur le même degré. Ici, on va avoir un autre facteur qui va entrer en jeu qu'on appelle al-ta'wil, al-muta'awwil. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va célébrer le maulid du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas par simple suivi aveugle, n'est-ce pas, et par fanatisme, parce qu'il y a celui qui est un fanatique, n'est-ce pas, mettons, il adhère à certaines formes de tasawuf, par exemple. Donc, non, tu lui montres les preuves que non, ça n'a pas de sens, c'est pas une sunna du prophète, tu vas te dire non, c'est mon cheikh qui l'a dit et je vais m'attacher à ça. Donc ça c'est un mubtadi, quelqu'un qui a commis une innovation mais qui a la tête dure, voyez-vous, c'est du fanatisme. C'est plus grave que celui qui est al-muta'awwil. C'est quoi al-muta'awwil? C'est celui qui a la bonne intention, il pense vraiment que ça fait partie de notre respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa pensée est simpliste. Il a dit, moi, mes parents m'ont toujours fait un anniversaire quand j'étais jeune, n'est-ce pas? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est plus important que moi. Alors, pour le respecter et pour montrer mon amour pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je vais célébrer sa naissance. Quelqu'un qu'on a comme ça, est-ce que quelqu'un comme ça, c'est comme celui qui va prétendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît pas le qadar de toute chose à l'avance? Non, tu ne peux pas les mettre au même niveau. Voyez-vous, donc ce n'est pas toutes les bid'a, ce n'est pas toutes les innovations qui sont au même niveau. Et il faut prendre des positions nuancées face à une personne qui commet une innovation, dépendamment de la gravité de l'innovation et dépendamment aussi du degré d'ambiguïté que la personne pourrait avoir. Ça veut dire qu'on peut accepter que quelqu'un pense que célébrer le maulid, c'est aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut tolérer une telle malinterprétation, une telle erreur. Mais quelqu'un qui me dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît pas les choses à l'avance, je ne peux pas tolérer une chose qui est pareille, parce que ça va à l'encontre de tawhid al-rububiyya, de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose de grave, de flagrant. Voyez-vous, c'est du kufr qui est flagrant. Wal'iyadu billahi subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça qu'il nous dit ici وَالْمَقْصُودُ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ مُؤْمِنًا بَاطِنًا وَظَاهِرًا لكن تأول تأويلا أخطأ فيه إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا. Il nous dit que tu peux avoir quelqu'un, un innovateur, qui est en réalité un croyant, qui a le iman, la foi, à l'intérieur et à l'extérieur, intègre, un vrai croyant, un vrai mu'min, mais qui est tombé dans une innovation par erreur. Et cette erreur-là, encore une fois, n'est pas toujours la même. Soit muta'awwilan, soit par simple raisonnement, bonne intention, ou bien mufarritan. Mufarrit, ça veut dire qu'il n'a pas fait son travail de recherche. Différence entre celui qui a fait de son mieux pour arriver à la vérité et il est tombé sur l'erreur. Et entre celui, non, il dit, moi je ne veux rien entendre parler. Quand tu vas lui dire, mais est-ce que tu sais que le Maoulid, il y a certains savants qui ont dit, non, écoute, toi, ton wahhabisme et ton salafisme et ton extrémisme et truc, tu le laisses en Arabie Saoudite ou bien je ne sais pas quoi, n'est-ce pas? Toi, t'es jamais allé en Arabie Saoudite, tu connais aucun Saoudien, t'as rien à voir avec l'Arabie Saoudite. Mais on lui a appris de répondre comme ça. Ça veut dire, il ferme son esprit, il ne veut pas penser, il ne veut pas faire sa propre réflexion ou bien... Peut-être que la vérité se trouve avec l'autre personne. Donc, une personne comme ça est certainement plus coupable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que celui qui fait de son mieux mais qui arrive à la mauvaise conclusion. Vous comprenez? Taïb, il nous dit après ça, فَلَا يُقَالُوا إِنَّ إِيمَانَهُ حَبِطَ لِمُجَرَّدِ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌ وَلَا نَقُولُ لَا يَكْفُرُ. Donc il dit, quelle est la bonne position alors pour ce qui est de notre position envers les gens d'innovation? On ne va pas dire que toute personne qui dit et qui commet une innovation devient un mécréant. Et on ne va pas dire aussi que, non, non, non, celui qui commet une innovation n'est jamais un mécréant. Il nous dit, non, la position est plus nuancée. بَلِ الْعَدْلُ هُوَا الْوَسَطِ. Voilà l'explication. Il dit, الْأَقْوَالُ الْبَاطِنَةُ الْمُبْتَدَعَةُ الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق ويثبت في لها الوعيد التي دلت عليه النصوص ويبين أنها كفر ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك. Il dit, voilà. Toute innovation, ça veut dire toute parole, toute croyance qui va clairement à l'encontre de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est haram, cette innovation-là va dire que c'est halal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la fornication est haram, lui te ramène une innovation, il dit que ton cheikh soufi, n'est-ce pas, parce qu'il est tellement pieux, la fornication pour lui maintenant elle devient licite. C'est clairement à l'opposé de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui, le croyant, va avoir le paradis. Au paradis, il va avoir des arbres, des ruisseaux, des épouses, telle et telle et telle chose. Ça, c'est l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui va te dire, comme certains ont dit de nos jours, le paradis, c'est pas un vrai paradis en réalité, en islam. Le paradis, n'est-ce pas, ça représente la réjouissance que tu vas avoir dans ce bas monde quand tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas vivre heureux, c'est ça le paradis. N'est-ce pas? Ça va à l'encontre clairement de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Voyez-vous donc, ce genre de choses-là qui vont clairement à l'encontre du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des innovations comme ça, on va dire, cette parole en tant que telle, c'est un kufr. La parole en tant que telle, c'est un kufr. C'est parce qu'elle est clairement à l'encontre de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Mais après ça, وَأَمَّا الشَّخْصُ الْمُعَيَّنُ إِذَا قِيلَ هَلْ تَشْهَدُونَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْوَعِيدِ وَأَنَّهُ كَافِرٌ. Il dit, mais après ça, quand on parle de la personne elle-même, regardez ici, تَكْفِيرُ الْمُعَيَّنُ et تَكْفِيرُ النَّوَّ. On l'avait expliqué un peu plus tôt. Il dit, maintenant, quand on parle de la personne elle-même, n'est-ce pas, le frère Ahmed là-bas qui a dit que ton cher soufi, il a le droit de boire de l'alcool, c'est parce que lui, il est dans un autre niveau que toi, tu ne peux pas comprendre, n'est-ce pas? Est-ce qu'on dit de lui maintenant, lui personnellement, que c'est un kafir? Là, c'est différent. Qu'est-ce qu'il dit ici? لِأَنَّ الشَّخْصَ الْمُعَيَّنَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا مُخْطِئًا مَغْفُورًا لَهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له Rahmatullahi ta'ala. Il dit, c'est parce que la personne en tant que telle pourrait être quelqu'un qui n'a pas connu la vérité, qui a mal interprété les textes et ainsi de suite. Ça veut dire, encore une fois, peut-être que c'était quelqu'un qui voulait le bien, mais qui est tombé à la mauvaise conclusion. Voyez-vous? Et encore une fois, je rappelle qu'on revient à la même, ce qu'on avait mentionné tout un peu plus tôt. Ça veut dire, pour ce qui est des péchés ou pour ce qui est des innovations, c'est la même chose. Même pour ce qui est des innovations, elles ne sont pas toutes au même niveau. Il y a des innovations qui sont du kufr qui est clair. Tu ne peux pas prétendre que cette personne-là avait une bonne intention. Elle est arrivée à la mauvaise conclusion, voyez-vous. Et il y a d'autres innovations où tu peux tolérer l'ignorance de la personne. Tu vas dire non, on va prendre la personne, on va lui apprendre, on va faire de notre mieux, ainsi de suite. Et avec le temps, inshallah ta'ala, un jour elle va comprendre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Non. Il dit famine uyubi. Et c'est pour ça en passant qu'il dit ici wa yumkinu an yakuna lahu imanun adhim wa hasanatun awjabat lahu rahmatullah. Il dit et ça se peut que ce soit une personne qui a tellement de foi mais qui dit une qui parle d'une innovation et que cette personne-là a tellement de bonnes actions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que c'est une personne qui est dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme quand on va le voir, inshallah ta'ala, mettons par exemple, quand on va parler des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va parler de la question du ta'wil, n'est-ce pas? De certains savants qui vont détourner l'essence de certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Ça, tu vas le trouver dans les paroles de certains grands savants de l'islam, n'est-ce pas? Mais certains juhal, certains ignorants, certains gamins comme ça, qui à peine il lit un petit livre sur l'islam, il pense qu'il a tout compris, qu'est-ce qu'il va te dire? Va te dire les livres de ce savant Imam Nawawi ou bien Imam Ibn Hajar, etc. On doit tous les brûler. A'oudou billah. Pourquoi? À cause d'une erreur de ta'wil ou autre chose. Il n'a pas compris que ce savant-là, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il pourrait avoir une foi qui est plus grande que les montagnes de la terre toutes entières. Voyez-vous, mais il est tombé dans cette erreur par ta'awul. On lui a enseigné ça depuis qu'il était jeune, n'est-ce pas? Le madhab de mettant de l'ash'ariya, de ta'wil ou autre chose. Ça veut dire qu'il n'a jamais eu la chance de découvrir une autre version des faits. Et ainsi de suite, on va en parler, inshallah ta'ala, plus en détail quand on va arriver au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, écoutez bien ça, c'est très important. فَمِنْ عُيُوبِ أَهْلِ الْبِدَعِ تَكْفِيرُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَمِنْ مَمَادِحِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ يُخَطِئُونَ وَلَا يُكَفِّرُونَ. Ça, c'est l'un des fondements de Ahlus Sunnah. Il dit, l'une des failles des innovateurs en général, des sectes en général, c'est que les sectes en général sont connues pour le fait qu'elles font le takfir. C'est takfir de takfir. Chaque secte fait le takfir de l'autre secte. C'est du takfir à tort et à travers. Les flèches, ça passe à droite et à gauche. Voyez-vous? C'est comme, par exemple, quand on parle de Shia, une forme extrême de Shia qu'on a de nos jours, c'est Ar-Rawafid. Al-Imamiyya, qui sont tellement détournés du chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de l'islam que nous on connaît, ça veut dire le tashayyu', le chiisme qui est pratiqué en général, ça veut dire en Iran, la religion officielle de l'Iran, c'est Al-Imamiyya, c'est ce qu'on appelle Al-Rafida, voyez-vous, que ça c'est tellement éloigné de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais après ça, tu as entre Al-Rafida et entre une autre forme extrême de tashayyu', qui est Al-Nusayriya, celle de Bachar al-Assad, etc., que en théorie, même si aujourd'hui ils travaillent ensemble, des amis comme ça temporaires, mais en théorie, dans les livres de Shia, de l'Imamiyya, eux, ils déclarent les Nusayri comme des kuffars. Ça veut dire, entre eux déjà, ils font le takfir mutuel. Voyez-vous? Donc, l'un des signes des gens des innovations de Al-Bida' c'est Al-Ghulu ou Fit Takfir. C'est l'extrémisme dans le takfir. Kafir, kafir, kafir, kafir, kafir, kafir. Il nous dit ici, alors que Ahlul Ilm, les savants de Ahlul Sunnah, leur tendance générale, c'est pas qu'ils font pas le takfir. Non, mais c'est pas leur étiquette générale. Ça veut dire, quand tu vas lire les livres de Ahlul Sunnah, n'est-ce pas? Quand tu vas lire, mettons, un grand savant comme Imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, malgré que les gens, n'est-ce pas, ils disent à tort, à travers, comme ça, ils répètent des choses sans comprendre que lui, c'est un extrémisme et le cheikh des extrémistes, etc. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Ils n'ont jamais lu un livre de cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Quand tu vas lire ces livres, n'est-ce pas, tu vas trouver des critiques. Ça veut dire, il critique les idées en tant que telles. Il est très fort là-dessus, n'est-ce pas? Les idées, les innovations, etc., il les met au chaos. Mais tu ne vas presque jamais trouver, très très rarement, dans les milliers et les milliers de pages qu'il a écrites, que quand il répond à quelqu'un, il va dire que c'est un kafir, c'est un mécréant. Non. Il te parle de l'idée, yukhatti. Ça veut dire qu'il traite l'idée en tant que telle d'erreur. Il ne parle pas de la personne. Différence entre parler de la personne et parler de l'idée. Voyez-vous, l'idée, comme les savants l'ont expliqué très clairement, une innovation peut venir d'un grand savant. Même les grands savants de l'islam peuvent commettre des innovations. Ça peut être un grand savant de l'islam, mais il commet une innovation. Pourquoi? Encore une fois, par ta'awul, n'est-ce pas? Il a pensé arriver à la bonne conclusion. Il n'a pas mesuré c'est quoi les dégâts à plus long terme. Un grand savant, Avant de devenir savant, il était quoi? Hein? Il était une personne comme moi et vous. Voyez-vous, ça veut dire, est-ce que le savant est né savant? Non. Ça veut dire le savant, avant de devenir savant, n'est-ce pas, il était jeune et c'est son père ou son oncle, son grand-père qui lui a appris la religion et comment prier, ainsi de suite. Donc parfois, quand tu es jeune, tu apprends des choses, n'est-ce pas, du par cœur comme ça, qu'on va t'apprendre aveuglément. Et même après ça, quand tu deviens un savant, tu n'as jamais eu l'idée à ta tête de remettre en question telle ou bien telle autre croyance. Tu la prends pour acquis, n'est-ce pas? Tu n'as pas eu la réaction de dire « Ah, mais ce qu'on m'a enseigné quand j'étais jeune, est-ce que c'est vraiment la sunna, n'est-ce pas ?» etc. Donc parfois, tu vas, même si tu es un savant et tu vas continuer à faire l'erreur par inconscience. Tu ne savais pas que ça, c'était une erreur en tant que tel. Non. وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا والزنديق هو المكافر هو المنافق. Là on va découvrir un nouveau titre. Le titre de ce qu'on appelle الزنديق. الزنديق pour le frère, je sais que pour les frères de les frères qui viennent du Pakistan etc. des pays d'Asie. Ils utilisent beaucoup le mot zindiq, n'est-ce pas, les personnes qui viennent là. Mais zindiq, dans leur culture, c'est une insulte. Ça veut dire quand tu insultes quelqu'un, tu dis zindiq. Ça, c'est un zindiq. Cette personne-là, c'est un zindiq. Quand les savants ils utilisent ce mot, c'est un autre sens, n'est-ce pas? C'est quoi zindiq? Quelle est la définition de zindiq? Zindiq, c'est celui qui montre de la mécréance claire, évidente, mais qui prétend quand même que lui, c'est un musulman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'hypocrite, c'est le munafiq. Parce que l'hypocrite, je rappelle encore une fois, l'hypocrite à l'origine, est-ce qu'on peut le détecter normalement? Non, c'est à l'intérieur du cœur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Mais il y a des munafiqines que il va faire sortir sa mécréance de façon qui est évidente, claire. Mais il va pas te dire je suis un mécréant. Il va quand même continuer à prétendre qu'il est un musulman. C'est ce qu'on appelle un zindiq, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui est sorti de l'islam et qui continue quand même à prétendre qu'il est un musulman, n'est-ce pas? Comme il y en a les zindiqs de nos jours, il y en a en masse, n'est-ce pas? La façon la plus facile de les trouver, c'est prendre la télécommande et mettre la télé on, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'on appelle az-zanadiqa, wa al-iyadu billahi subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et en général, écoutez bien ça, parce que le frère avait posé la question tout à l'heure. J'avais dit qu'on va répondre à ça tout à l'heure, inshallah ta'ala. Ça, c'est une chose qui est importante à comprendre. En général, sachez qu'en général, les têtes, ça veut dire les grands leaders, des sectes majeures sont des zanadiqs. Ça veut dire, en général, les leaders, les grands penseurs des sectes, ceux qui les initient, ceux qui les développent, n'est-ce pas? En général, c'est des zanadiqa, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam, avec la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, qui montrent l'islam pour gagner les masses et pour égarer les gens. Et les gens qui les suivent, ils vont les suivre par inconscience et par ignorance. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Le gars qui monte à la télé, il dit bon, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien à voir avec la politique, rien à voir avec les finances, rien à voir, rien à voir, rien à voir, rien à voir, mais je suis musulman. Et j'aime Allah plus que toi, allez. Et j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toi. Mais dès que tu essaies d'ouvrir ta bouche, tu dis, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit fait le Coran, il va te dire, non, moi je sais c'est quoi le Coran, j'ai pas besoin de toi pour que tu m'apprennes c'est quoi le Coran. Moi, mon père, c'était un hafid dans le Coran. N'est-ce pas? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, non, écoute, toi, t'es qui pour parler déjà des paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein? Toi, tu veux utiliser la religion, n'est-ce pas, pour arriver, n'est-ce pas, pour avoir de l'argent, pour arriver, n'est-ce pas, au gouvernement et ainsi de suite. Non, ne fais pas entrer la religion. Moi, j'aime Allah plus que toi. Je suis pas quelqu'un comme toi, etc., etc., n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle az-zindiq, wa al-iyadu billahi subhanahu wa ta'ala. Il va prétendre qu'il est musulman pour égarer les gens, pour mettre les gens pour que les gens soient leurrés, parce que la masse, les gens Habituellement, ils ne viennent pas au cours de Aqidah, ils ne comprennent pas c'est quoi l'iman, c'est quoi le kufr, n'est-ce pas? Ils disent, bon, le gars, il dit c'est un musulman, il dit que son père, c'est un hafid de Coran. Donc, c'est un musulman comme nous. Mais regarde, c'est un musulman, mais il dit que ce n'est pas important de suivre l'islam à la lettre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair? S'il y a des questions, s'il vous plaît, les poser. C'est important de comprendre ce genre de choses-là. Oui. Oui, l'hypocrite, c'est celui qui montre l'islam et cache la mécréance. Le zindiq, c'est l'hypocrite qui va faire sortir la mécréance et qui va prétendre quand même qu'il est sur l'islam. Vous comprenez? C'est clair? Oui. Il va égarer les gens tout comme on les voit de nos jours. Il y en a plein de nos jours, n'est-ce pas? Bon, ils vont nous ramener quelqu'un, comme ça, il va dire, bon, ça c'est, n'est-ce pas, dans n'importe quel... Il y en a plein dans les pays arabes. Ils sortent toujours, n'est-ce pas, on va te le ramener à la télé officielle ou bien sur une chaîne de télé laïque et ainsi de suite. On va te dire, ça c'est, n'est-ce pas, le grand penseur, le docteur, telle et telle et telle et telle chose. Et lui, il va venir, n'est-ce pas, 90% de ce qu'il est en train de dire... C'est différent de l'islam. C'est un autre chemin que l'islam. Il vient promouvoir une autre religion que l'islam. Il vient promouvoir la mécréance, en d'autres termes. Mais il ne va pas dire, moi je suis un athée, ou bien je suis un juif, ou bien je suis un chrétien. S'il va dire ça, c'est clair, c'est normal. Les gens vont regarder, bon, les gens vont zapper comme ça à télé, bah, ah, lui c'est un athée, bon, moi je suis un musulman, a'oudou billah. Il change la chaîne, n'est-ce pas? Ah, mais, attends, lui c'est, bon, pareil que c'est un musulman, son nom c'est Mohammed. Et il me dit... Bon, lui, il dit, moi, j'aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il peut même te dire, parfois, il va utiliser un verset du Coran, le Karim, n'est-ce pas? Ou bien, hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à l'occasion, comme ça. Juste pour mettre du trouble. Les gens vont être leurrés par une telle personne. Vous comprenez? Fikum barakallah. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle az-zindiq. Et c'est de là que commencent habituellement les innovations. De nos jours, l'innovation, n'est-ce pas? La nouvelle innovation, c'est ça, l'innovation de l'islam laïque. Islam laïque, c'est comme islam, c'est un mode de vie, tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, interne, externe, mais en même temps qui est laïque. Ça, c'est la nouvelle innovation. Dans le temps, il y a de cela quelques siècles, les gens n'ont jamais entendu parler de ça. Mais leur grande fitna, à un certain moment donné, c'était la fitna des khawarij, n'est-ce pas? Les khawarij, à un certain moment de l'histoire, c'était comme ces musulmans laïcs. Il y avait des musulmans khawarij comme ça. Puis les gens, il y avait, n'est-ce pas, les gens, ils craignaient Allah, ils pratiquaient leur religion. C'est pas comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors ils disaient, mais peut-être que ce que ces gens-là, ils disent, c'est vrai. Peut-être que le gars-là qui boit de l'alcool, doit être clair avec lui. T'es un kafir, tu sors de l'islam. N'est-ce pas? Ça tente. Un autre moment de l'histoire, t'as une nouvelle innovation. Les Mu'tazila. Il va t'inventer quelque chose, comme il va te dire, est-ce que le Coran, il est créé ou bien il n'est pas créé? Alors il va dire aux gens, le Coran, il est créé. Cette parole en tant que telle, encore une fois, c'est un kufr. Mais est-ce que c'est un kufr qui est évident? Pas nécessairement. Parce que les gens, n'est-ce pas, la masse, il ne va pas comprendre que le Coran, ben, si tel cheikh a dit que le Coran est créé, ben, on va dire la même chose, tu vois. Mais ce prétendu cheikh n'a rien à voir. N'a rien d'un cheikh, n'est-ce pas? C'est un zindiq, wal'iyadu billahi ta'ala, qui veut égarer les gens du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette nouvelle croyance. La question, en fait, c'est si on prend. Je ne sais pas, est-ce que ce sont des zanadiqa ou c'est un autre type? Si on prend le cas de nos gouverneurs, on les voit dans les mosquées et tout, et tout ce qu'ils font, ça n'a rien. Oui, exactement. Les gouverneurs, exactement. N'est-ce pas? Il va aller à la mosquée, n'est-ce pas? La nuit du 27, ben il va, n'est-ce pas? C'est le concours de Coran. Il va ramener quelques enfants comme ça qui ont mémorisé le Coran, etc. Va leur donner des cadeaux, etc. Et c'est ça. Tu vas le voir à la prochaine nuit du 27. Mais entre cette nuit du 27 et l'autre nuit du 27, attention. Attention si tu lui mentionnes un verset de le Coran Karim. Alors que c'est lui qui a donné les cadeaux. N'est-ce pas? Mais si tu lui mentionnes un verset de le Coran Karim, gare à toi. Gare à toi. Va te dire, toi, attention, t'es personne pour m'apprendre la religion. La religion, je la connais très bien. Et tu la connais et après. Est-ce que Shaitan, il ne la connaît pas, la religion? La connaît. Shaitan, ça fait des siècles et des siècles, n'est-ce pas? Iblis lui-même, ça fait des siècles qu'il est vivant dans cette vie du bas-monde. Il a vécu, n'est-ce pas? Il est passé par toutes les expériences de toutes les nations avec tous les prophètes et tous les gens pieux, etc. Il les a entendus et celui qui allait à la mosquée, il l'a vu. Et il a tout vu, Shaitan, il a tout vu, Iblis. Et après ça, quoi? Est-ce que Iblis va aller au paradis? Non. Vous voyez? C'est clair? Non. C'est Zaladeha, que quand on parle maintenant, présentement, est-ce que ces gens-là, par exemple, vous dites que ils sortent le coffre avec leur acte et leur parole, tout ça, c'est du coffre clair. Oui. Mais eux, ils se disent musulmans. Mais est-ce que ça se pourrait qu'eux, ils ne savent pas qu'ils sont en train de parler du coffre ou c'est vraiment volontaire, ils veulent égarer du monde? Non, regarde, un zindir, ça veut dire quelqu'un qui parle du coffre. Quand on parle ici de zindir, c'est celui qui montre, je rappelle encore une fois, le coffre qui est évident. Voyez-vous, le coffre qui est évident, pas certaines formes de coffre qui ne sont pas qu'on peut tolérer que les gens ne savent pas, c'est normal, parce que les gens sont dans l'ambiguïté, etc. Mais quelqu'un qui fait la promotion en général d'un coffre qui est évident et qui en fait la promotion, de façon qui est ouverte, publique et ainsi de suite, soit certain qu'il va y avoir des savants qui vont le conseiller, lui répondre, corriger et ainsi de suite. Donc si tu le vois avec le temps continuer sur le même chemin, ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui est sincère, ça veut dire qu'il le fait de façon qui est volontaire. Comprenez? Oui, mon frère. En fait, un peu plus, ça fait 2-3 mois quand ils avaient fêté Mawlid Nabawi Sharif. J'étais en train de voir justement la télé algérienne et ils avaient ramené justement des ulama. Non. Pour parler du prophète. Non. En célébration, en quelque sorte, de son anniversaire. Oui. Est-ce que ça, justement, c'est permis? Est-ce que c'est des... Qui peut répondre aux frères? Selon vous? Oui. Comme tout à l'heure, on a dit, ça dépend de la chose. Est-ce que venir pour parler du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lors de ce qu'on appelle le maoulid en tant que tel, est-ce que c'est une innovation de kufr? Est-ce que ça, c'est du kufr? Non. Ce qu'on appelle bid'atun idafiyya. Ça veut dire, est-ce qu'il est en train de faire du bien? Oui, il le fait du bien. Le problème ici, ce n'est pas parler du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est bien de parler du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le fait que tu as spécifié cette journée, précisément. Tu as dit que lors de cette journée, on doit parler du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est là où ça devient une bid'a, qu'on appelle bid'a idafiyya. Ça veut dire, c'est une bid'a qui est relatif. Donc ici, c'est pas les bid'a qui sont de la nature de l'kufr. Je rappelle encore une fois, quand on parle de zindir, c'est celui qui commet les innovations qui sont du domaine de l'kufr, n'est-ce pas? Comme par exemple, n'est-ce pas, les grands de Shia, si on va prendre quelqu'un de très proche comme le Khomeini, alayhi min Allah ta'ala ma yastahiq, n'est-ce pas, qui croit, par exemple, clairement, il te dit dans ses livres à lui, que les imams, ça veut dire les 12 imams là auxquels eux ils croient, ils sont plus hauts dans leur valeur que les prophètes. Et que le Mahdi, quand il va venir, leur prétendu Mahdi comme ça, va faire quelque chose, va changer la terre d'une façon que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu la changer, et ainsi de suite. Ce kalam là, c'est un kalam de kufr billah azza wa jal. Si quelqu'un va dire qu'il y a des créatures, des imams ou je ne sais pas quoi qui sont meilleurs que les prophètes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est un kufr billah azza wa jal. Mais un gars comme ça, c'est un zindir. C'est parce que quand même il va prétendre que lui c'est le défenseur de l'islam et ainsi de suite. Ça m'importe peu, je vais l'appeler un zindir. Vous comprenez? Ouais. Non. Zindir. Tu l'aimes ce mot, hein? Il y a un frère comme ça, une fois, un frère, je dis, c'est comme, telle personne, c'est un zindir, et un frère comme ça qui est venu des pays d'Asie, il a commencé à rire. Il m'a dit, comment tu connais ce nom? Oui. Oui. On va pas entrer dans ça, c'est parce que c'est pas vraiment du domaine de l'aqida, c'est plus une question de jurisprudence, mais on va dire en bref, comme ça, c'est une question de ijtihad. C'est une question de ijtihad, ça dépend d'une situation à une autre. Taïb. Attends, juste rapidement, ça, je voulais mentionner ici quelque chose. Mmh. En passant, bon, ça, il le mentionne un peu en retard, comme j'ai dit. Ce n'est pas un livre qui est très académique, parce que c'est un livre classique, donc c'est un peu mélangé. Parfois, ça sort d'un sujet à un autre. Mais il le mentionne un peu en retard, mais pour revenir un peu quand on a parlé des khawarij et ainsi de suite, n'est-ce pas? Si tu veux répondre aux khawarij très facilement comme ça, quelqu'un il te dit, bon, celui qui commet la fornication ou bien qui boit de l'alcool ou ainsi de suite, il sort de l'islam, n'est-ce pas? Tu vas lui dire, est-ce que celui qui boit de l'alcool, par exemple, est-ce qu'il a une certaine punition en islam? Oui. Celui qui commet la fornication, est-ce qu'il a une certaine punition? Oui. S'il a une certaine punition, ça veut dire qu'il n'est pas sorti de l'islam, n'est-ce pas? C'est parce que sinon, on va lui appliquer haddou, ridda, de l'apostasie. Donc là, il va être contraint soit à revenir vers la vérité ou bien à rejeter la punition de la fornication, qui est une forme de kufr, parce que c'est dans le livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Non. Et aussi la même chose, on a des textes qui nous indiquent que le jour dernier, n'est-ce pas, il va y avoir qisas, il va y avoir des personnes, Allah subhanahu wa ta'ala va enlever de leurs bonnes actions et les donner à une autre personne parce qu'elle avait causé du mal. Ça veut dire que ce mal-là que la personne elle avait causé, cette injustice, n'a pas annulé les bonnes actions de la personne. La personne les a gardées, sauf que le jour du jugement, elle va en donner une partie à cette personne-là pour que ce soit, pour que la justice soit faite. Non. Est-ce que c'est clair? Oui. Je ne sais pas où j'avais lu ça, mais j'avais entendu parler de, par exemple, en ce qui concerne un mot peut-être, une personne qui est vraiment dans l'égarement, un mot peut-être, prier derrière lui. On va parler de ça tout à l'heure, on va voir toute une section sur ça, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Nous dit après ça, ba'da hadha l'ittifaq. تبين أن أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب إيمانا دون إيمان. Nous dit ici une autre question ici. Rappelez-vous quand on avait dit que les khawarij, les murji'a, les mu'tazila, ils sont tombés dans l'erreur sur la question de la foi. Pourquoi? Quel est l'élément en commun entre les trois? Ils avaient considéré la foi comme étant un seul bloc. Ça n'existe ou bien ça n'existe pas. On dit que ça, c'était faux. Quelle est la vérité alors? Qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Comment est-ce qu'on perçoit la foi? Révision hein, du concept de la foi. Ok, mais ça c'est un autre point. Mais ici, comment nous distinguer? Ça veut dire, on va dire non, la foi, c'est pas un seul bloc. Alors c'est quoi? Elle est variable, n'est-ce pas? Elle monte et elle diminue. Ça veut dire que c'est des degrés, voyez-vous? Elle peut exister, être incomplète. Elle peut exister, être complète, voyez-vous? Donc, il y a foi qui est moindre qu'une autre foi. Le frère A peut avoir le iman. Et le frère B peut avoir le iman. Mais le frère B, son iman est plus haut que le frère A. Donc, il y a un iman et il y a un iman plus grand, voyez-vous? Alors, les savants de Ahl Sunna, il se pose une autre question ici. Est-ce que pour le kufr, est-ce que c'est la même logique? Ça veut dire, est-ce qu'il y a un kufr et un kufr qui est moindre? Ce qu'on appelle kufrun duna kufrin. Voyez-vous? Kufrun duna kufr. Ça veut dire, il y a un kufr qui est moindre qu'un autre kufr. Un kufr qui est moins grave qu'un autre kufr. Pourquoi? C'est parce qu'on trouve dans certains textes du prophète, alayhi salatu wasalam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit certains péchés comme étant un kufr. Qitalul muslimi kufrun. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comme qala alayhi salatu wa sallam, comme dans Sahih Muslim, il a dit que combattre un autre musulman, combattre ton frère en islam, c'est un kufr. Est-ce que c'est un kufr qui te fait sortir de l'islam? Non. Ça, c'est la croyance des Khawarij. Comment est-ce que tu vas comprendre ce texte alors? C'est là où on va se poser cette question. Comment interpréter ce mot kufr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit pour décrire, ou bien a utilisé pour décrire ce péché-là qui est le fait de combattre ton frère dans l'islam et dans la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Alors il y a des savants qui ont dit ici c'est quoi? Kufrun duna kufr. C'est un kufr qui est moindre que le kufr majeur. Ça veut dire kufrun asghar. C'est un kufr qui est mineur. Kufrun amali. un kufr dans les actions, un kufr comportemental. Vous comprenez, ce n'est pas le kufr majeur qui fait sortir, qui est l'opposé de l'islam, que ce soit tu es un musulman ou bien tu es un kafir. Que là, c'est un kufr qui est mineur, ça veut dire un kufr qui est comportemental. Est-ce que vous comprenez jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est clair? Certains? Très bien. Maintenant, les ahnaf, les hanafis, qui ressemblent un peu à la murji'a sur la question de la foi, ils disent que l'iman aussi, c'est un seul bloc. Voyez-vous? Il monte et il diminue dans le cœur, mais en fin de compte, l'iman en général, comme ça, c'est un seul bloc. Ça veut dire, ils ne peuvent pas dire que al-kufr aussi, ça peut être kufr duna kufr. Alors, comment ils vont interpréter ces textes-là? Ils vont dire, non, ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a appelé ce péché, quand il l'a nommé kufr, c'est au sens figuré. Ça veut dire que c'est un kufr au sens figuré, pas au sens qui est propre du mot. Vous comprenez? Donc, à chaque fois que tu trouves dans un texte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit que telle action, tel péché, c'est un kufr, alors que toi, tu vas te dire, mais ça, c'est un péché. Il ne peut pas te faire sortir de l'islam. Ce n'est pas contraire à la racine même de la foi. Comment tu vas interpréter ce texte? Soit tu vas dire kufrun duna kufr. C'est un kufr qui est moindre que le kufr majeur, ça veut dire que c'est un kufr qui est mineur, un kufr comportemental, ou bien tu vas dire, comme les ahnaf ils disent, c'est un kufr qui est majazi, ça veut dire au sens qui est figuré, pas au sens qui est propre. Vous comprenez? Comment faire un exercice là-dessus? Comment t'exercer sur ça, sur l'application de cette règle? Hein? Lire plusieurs hadiths de Sahih Muslim, le chapitre de la foi. Je rappelle encore une fois. Comme j'ai dit, si vous révisez bien, inshallah ta'ala, tout ce chapitre sur la foi, et après ça, vous allez lire le chapitre de la foi de Sahih Muslim, ça va vous être grandement bénéfique, inshallah subhanahu wa ta'ala. Ok. Maintenant, on arrive à la grande, au grand point. مراتب الحكم بغير ما أنزل الله. Parlons maintenant de celui qui juge par autre que le jugement d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Quelle est la position de l'islam face à une telle personne? Ça veut dire quelqu'un qui est en position d'autorité, qui peut juger les gens, il a des juges, il a une autorité, n'est-ce pas, juridique, une autorité exécutive et ainsi de suite, mais qui va juger par autre que le jugement d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Il y a A et B qui ont un conflit. Il y a le frère A qui a emprunté de l'argent à au frère B. Quand le frère B a remis l'argent au frère A, le frère A il a dit non, non, non, tu dois me donner 10% de plus. C'est parce que tu viens de me rembourser en retard. Je te facture des intérêts. Les deux ont eu une chicane. Ils se sont référés au juge. Un juge qui dit que lui, il est un juge musulman. Ça veut dire une autorité musulmane. Il le dit. Il dit que moi, je suis musulman. Mais il a dit au frère A, oui, tu as tout à fait raison de lui charger le 10% de plus parce qu'il t'a remboursé en retard. C'est ce qu'on appelle dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, al-riba, qui est une chose qui est interdite. Donc là, il a jugé par autre que le jugement d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Quelle est la position de l'islam sur une telle personne? Et vous voyez certainement l'utilité de ça, très clair. Al-hukmu bi ghayri ma anzal Allah, dit l'imam Ibn Abi al-Izz alayhi rahmatullahi ta'ala. قد يكون كفرا ينقل عن الملة وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة يسمى كفرا مجازيا أو كفرا أصغر على القول على القولين المذكورين وذلك بحسب الحاكم. Nous dit première chose, la position est nuancée. Tu peux pas dire une réponse générale, ok? Tu peux pas dire que celui qui juge par autre le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sort pas de l'islam, ou bien que celui qui juge par autre que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala sort de l'islam. C'est une position qui est nuancée. Ça peut être un kufr akbar, il peut sortir de l'islam complètement, ou bien ça peut être un kufr qui est soit un kufr mineur ou bien un kufr qui est au sens figuré, comme les Ahnaf, ils disent. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Ou je répète? C'est clair? Taïb. Alors il nous dit فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب أو أنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. Il dit si ce dirigeant-là, ce juge, il croit que le fait de juger par le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas une obligation, ou que ce n'est pas important, ou qu'il a le choix soit de juger par le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit de juger par le jugement personnel ou bien d'une autre créature. Ou bien, aw istahana bihi, ou bien qu'il va presque se moquer, le prendre à la légère, le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire, bon, ça c'est pour, n'est-ce pas? Il y a de cela 14 siècles. C'est pas dans le temps, il y avait les chameaux, etc. On est en 2013, mon ami. Réveille-toi un peu. Comprends un peu le monde dans lequel tu vis. Ma'ata yaqunihi annahu hukmullahi. Tout en étant certain que ça, c'est le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'il n'a pas de doute. Ça veut dire qu'on peut comprendre, comme on l'a mentionné encore une fois, on fait toujours la différence entre les règles de l'islam, les préceptes de l'islam qui sont clairs, qui sont évidents, et d'autres préceptes qui pourraient ne pas être évidents pour le commun des musulmans. Voyez-vous, donc là on parle surtout des grandes questions, des questions majeures, que nul musulman ne peut prétendre ne pas connaître. Alors là, ça devient kufrun akbar. C'est un kufr qui est majeur, c'est parce qu'il sort de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Si quelqu'un, comme il nous dit ici, on va voir qu'il y a une critique sur un mot qu'il a utilisé. Mais on va commencer avec les mots de l'imam Ibn Abi al-Izz, rahimahullah ta'ala. Il a utilisé un mot qui n'est pas très précis, mais on va le prendre pour l'instant. Il dit, in'taqada, si il croit. Si quelqu'un te dit, bon, tu vas lui dire, pourquoi est-ce que tu as jugé qu'il a le droit de prendre le 10% de plus, les intérêts? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que riba, c'est quelque chose qui est interdit. C'est une injustice. S'il te dit, c'est parce que ce n'est pas important d'appliquer le Coran à la lettre. Ou bien c'est parce que, bon, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous propose, mais on a le droit aussi de faire notre propre opinion et de le juger par notre propre opinion. Ou bien qu'il va te dire, mon ami, ça fait 14 siècles, le monde a changé maintenant, réveille-toi, sois un musulman moderne, et ainsi de suite. Ça, c'est un kufr qui est akbar. Il sort directement de la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, c'est parce qu'il est allé à l'encontre, encore une fois. C'est quoi qui est touché ici? La racine. Pourquoi est-ce que la racine est touchée? La racine de la foi, pourquoi? C'est la soumission. Voyez-vous, c'est parce qu'il n'y a pas de soumission ici. La soumission, il l'a enlevée. Voyez-vous, khalas. Il te dit, moi, que je sois soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien que je sois soumis à mes passions, c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné le choix. Ça veut dire, c'est quoi le but de la religion? Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran? Si Allah subhanahu wa ta'ala révèle le Coran pour te dire que le riba c'est interdit, l'usure c'est interdit, que celui qui a, n'est-ce pas, l'usure, Allah subhanahu wa ta'ala va lui déclarer la guerre, il va avoir la malédiction, il va être en enfer, n'est-ce pas? La yaqoubuna illa kama yaqoumu alladhi yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mas, et ainsi de suite. Et après tout ça, tu me dis que Allah subhanahu wa ta'ala, après tout ça, il m'a dit tu choisis. Tu as le droit de faire ton propre jugement, si tu considères que c'est bien, vas-y, c'est bien. Quel est le but de la religion avant et après tout? Ça veut dire que cette religion là, c'est une perte de temps, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé quelque chose qui ne veut rien dire, vous comprenez? Ce que vous comprenez, c'est quoi ici le danger? Quand il dit oui, ça c'est le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je crois que j'ai le droit de choisir, de l'appliquer ou bien de ne pas l'appliquer. Je fais ce que je veux. Ou bien ça c'est pour il y a de cela 14 siècles. Ça veut dire ce Coran, en réalité, je crois que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça ne me parle plus à moi. C'est ce qu'il est en train de dire. N'est-ce pas? C'est comme nous on dit, on croit que la Taurat c'était la parole d'Allah, que l'évangile c'était la parole d'Allah, que Moussa alayhi salam c'était le prophète d'Allah et que Isa alayhi salam c'était le prophète d'Allah, mais on croit en islam qu'il ne s'adressait pas à nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé le dernier prophète qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un me dit Le Coran, c'est pour il y a de cela 14 siècles. Il est en train de dire quoi? Le Coran ne me parle plus à moi. Ça veut dire, en d'autres termes, le Coran, il est abrogé, mansour, expiré, fini. Vous comprenez? Vous comprenez où on y va ou non? Est-ce que vous comprenez la logique? Comment débattre avec ces gens-là qui te disent le Coran, c'est pour il y a de cela 14 siècles? S'il y a de cela 14 siècles, ça veut dire quoi? Ça veut dire, logiquement comme ça, on a besoin d'un autre prophète aujourd'hui. Si Allah subhanahu wa ta'ala envoyait un prophète à des tribus homogènes qui vivaient une vie tellement simple au milieu du désert, pas tellement compliquée que ça, malgré ça, ils avaient besoin de la guider d'Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui, presque 7 milliards d'êtres humains, un gars malade avec une bombe nucléaire, n'est-ce pas, des missiles nucléaires sous sa main, n'est-ce pas, des gens qui tuent à droite et à gauche à chaque jour, des crimes à chaque seconde, et ainsi de suite, qui aurait plus besoin d'un prophète ou d'un messager? C'est certainement nous aujourd'hui. Ça veut dire, si le Coran n'est plus valide, ça veut dire, wal'iyadu billahi ta'ala, qu'Allah ta'ala est injuste. Il ne nous a pas envoyé notre droit d'être guidé. Ça veut dire, il n'a pas envoyé de prophète pour nous diriger vers le droit chemin. Oui. Non, les non-musulmans ne vont pas parler de ça. Parce que le non-musulman, avant d'arriver à ça, tu dois lui prouver avant tout que le prophète Mohammed sallam, c'est le prophète d'Allah, et etc. Ce n'est pas vraiment notre sujet. Le non-musulman, ce n'est pas un problème. C'est parce que le non-musulman, je lui parle pour lui faire la da'wah. S'il ne veut pas la da'wah, qu'il dise ce qu'il veut, il ne représente pas une menace pour ma religion. N'est-ce pas, mes frères en islam, ils savent que lui, ce n'est pas un musulman. Ce n'est pas la personne pour nous enseigner notre religion. Le grand problème, c'est comme on a mentionné, c'est le zindiq, n'est-ce pas? Et ça devient plus grave quand ce zindiq-là, c'est une personne en autorité, qui a des armées derrière lui, n'est-ce pas, qui a toute une nation qui est derrière lui, c'est toute une puissance, n'est-ce pas. Il te dit, moi je suis musulman, et ça c'est ma terre ici, c'est moi qui dirige ici, n'est-ce pas, et je suis plus musulman que toi, et toi tu connais rien, etc. Et il va te dire que bon, le Coran c'est pour il y a de cela 14 siècles. Là le problème devient sérieux, voyez-vous, c'est parce que ce gars-là, c'est lui qui a la télé national. Et c'est lui qui contrôle les ondes. Et c'est lui qui va enseigner tes enfants à l'école. Il va leur dire quoi croire et quoi ne pas croire. Et ainsi de suite. Donc là, le problème, il est sérieux. On doit faire face à la réalité. Le non-musulman, ce n'est pas un problème. Quand je fais la da'wah, alhamdoulilah, s'il est ouvert, on fait la da'wah, on veut du bien pour lui, etc. S'il dit, moi, je ne veux pas de la religion, je ne veux pas entendre, je suis ici seulement pour te critiquer. Je lui dis, dis ce que tu veux. Allah subhanahu wa ta'ala va te donner le jugement le jour dernier. Vous voyez? Oui. Oui. Et ensuite, l'autre personne, elle refuse d'accepter ce peuple. Qu'est-ce qui va se passer en fait? On va revenir à ça. Juste, tu me rappelles cette question tout à l'heure, Inch'Allah. Regardez ici, le problème c'est quoi? Le seul mot que l'imam Ibn Abi al-Izz, rahimahullah, a utilisé ici, qui n'est pas précis, c'est quand il dit « فَإِنْ اِعْتَقَدَ » Si il croit. C'est parce que la croyance se trouve où? À l'intérieur du cœur. Et nous, on ne peut pas juger par le cœur. C'est lui-même qui nous le dit avant ça. Voyez-vous que le hukm, nous, on juge par les apparences. Donc, ici, il ne parlait pas de la croyance en tant que croyance, ça veut dire ce qui est à l'intérieur du cœur, n'est-ce pas? C'est parce que, encore une fois, on le rappelle, al-dhahiru dalilu al-batin. Pour nous, dans ce bas monde, pas dans l'au-delà, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'est-ce qui est à l'intérieur des cœurs des gens. Mais pour nous, dans cette vie du bas monde, c'est les apparences qui traduisent ce qui est à l'intérieur du cœur. Donc, ce dirigeant-là, ce juge, ce autre chose, qui va écrire dans la loi du pays, mettons. Bien sûr, il ne va pas l'écrire comme ça, clairement, clairement comme ça, mais il va utiliser quelque chose qui lui est égal. N'est-ce pas? Il va dire, par exemple, la fornication est le droit de tout citoyen. N'est-ce pas? Il va l'écrire dans une autre forme qui veut dire la même chose. Ça veut dire que si tu vas appeler la police, tu vas dire, n'est-ce pas, il y a une maison de haram ici, de prostitution, autre chose, il va te dire, ce n'est pas de mes problèmes, comme dans les pays arabes. Il va te dire, dans la loi, ça c'est, n'est-ce pas? Si toi, tu vas t'aventurer à dire à ces gens-là, ittaqillah, c'est peut-être lui qui va te ramener à la police. N'est-ce pas? Il va te dire, il a enfreint à mes libertés personnelles. Voyez-vous? Non, s'il va écrire ça dans la loi, même si au tout début de la constitution, il a écrit, bon, n'est-ce pas, encore une fois, c'est là où Al-Zindir, il va intervenir, n'est-ce pas, pour leurrer les gens. Le premier code ici de la loi, c'est quoi? Al-Islamu dinu ad-dawla. L'islam est la religion de l'État. Tout de suite, trois pages plus tard, la fornication est le droit de toute personne. Bien sûr, dans une autre forme. Voyez-vous, donc, je ne sais pas quel islam qui te dit que la fornication est un droit, ou bien que, n'est-ce pas, un pays, quand l'État en tant que tel, il te dit l'État, sa religion, c'est l'islam, et après ça, c'est l'État lui-même, l'État, pas les personnes, le gouvernement lui-même, il produit de l'alcool et du vin, et il le vend. Alors qu'il te dit au début que ça, c'est la religion de l'État. Alors là, est-ce qu'on va juger par le i'tiqad, par la croyance? Non. La croyance, je ne peux pas la voir aller dans le cœur. Mais la croyance, maintenant, elle est exprimée clairement, n'est-ce pas? Ça veut dire, bon, bien sûr, ici, il est en train de l'expliquer brièvement. Nous, on s'étale sur ça. C'est parce que même lors du temps de l'imam Ibn Abi al-Izz, n'est-ce pas, cette question de ne pas appliquer la loi d'Allah, etc., n'existait pas. Lui, il te parle, n'est-ce pas, pour le cas de X ou Y personne, c'est tout. C'est pas comme de nos jours, c'est quelque chose qui est répandu. Et les ulama, ils ont écrit des livres sur ça. Mais de nos jours, quand tu as un dirigeant qui te dit que dans la loi maintenant, dans la loi, n'est-ce pas, la fornication est un droit. L'alcool est un droit. Vendre de l'alcool est un droit. Le gouvernement, il 5% de ses profits qu'il va ramener au pays, c'est à travers la production du vin. Que les banques, la banque de l'État, n'est-ce pas, commence avec un taux directeur. Ça veut dire avec des intérêts. Toutes les banques après ça, c'est avec des intérêts. Ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et qu'après ça, il va prendre, n'est-ce pas? Tu ne vas pas me dire, ah, il ne sait pas, ou bien il est contraint à autre chose. Non, ce dirigeant-là va utiliser toute la puissance que lui, il a, n'est-ce pas, des forces et tout un système juridique et exécutif et policier, ainsi de suite, pour forcer les gens à devoir se soumettre à cette loi. Ça, c'est pire que le simple i'tiqad. Ça, c'est un dirigeant qui s'est mis comme partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadu billah. C'est parce qu'il force les gens à devoir suivre le système en tant que tel. Vous comprenez? Quand une société d'État facture des intérêts aux gens et force les gens dans un pays musulman, elle les force à payer les intérêts. Ne te dis pas, bon, celui qui veut payer les intérêts, ben on serait tellement content, etc. Bon, c'est un péché majeur, mais on sait qu'il y a des pécheurs ici dans ce pays, etc. Non. Il va te forcer, tout le monde. Le pieux, le non-pieux, tout le monde. Tu dois payer des intérêts. Tout le monde, tu dois faire des choses qui sont haram. Là, ça devient un kufr akbar qui est très déclaré. Qui est très déclaré et il n'y a aucun doute sur ça. Maintenant, le deuxième cas, attention à ne pas distinguer, c'est parce que là, c'est une ambiguïté que beaucoup de personnes, n'est-ce pas, les savants et parfois des prétendus savants comme ça, des gouverneurs comme ça, n'est-ce pas, qui la fatwa à droite et le chèque à gauche. Ils vont faire sortir cet exemple-là, cette ambiguïté, cette choubha. Il va te dire, mais attention, à travers l'histoire de l'islam, il y a toujours eu des dirigeants qui étaient injustes, qui ont jugé par l'injustice. Quand c'était les gens de masse, il les punissait. Quand c'était son enfant, il ne le punit pas. Et ainsi de suite. On va le dire, il faut distinguer entre les deux cas. C'est pour ça qu'il nous dit ici, وَإِنْ اَعْتَقَدَ وُجُوبَ الْحُكْمِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَعَلِمَهُ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَ وَعَدِلَ عَنْهُ مَا اَعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ مُسْتَحِقُ لِلْعُقُوبَةِ فَهَذَا عَاصٍ وَيُسَمَّى كَافِرًا كُفْرًا مجازيا أو كفرا أصغر وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. Il te dit maintenant le deuxième cas c'est quoi? C'est quand le dirigeant il juge par autre le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala mais il reconnaît. Il te dit ça c'est pas le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, je suis dans l'erreur. Voyez-vous? Je mérite d'être puni. N'est-ce pas? Mettons un dirigeant comme ça, tu vas lui ramener son grand-père. Tu vas lui ramener quelqu'un de riche, de dignitaire à l'intérieur du pays. Tu vas dire, regarde, il a volé. Regarde, il a commis tel crime. Il va te dire, non, je ne le punis pas. Pourquoi tu ne le punis pas? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit de le punir, etc. Dire, oui, je sais, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a dit. Je sais, ce n'est pas bien qu'on devrait faire. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Lui, c'est quelqu'un de puissant, il a de l'argent, etc. N'est-ce pas? Si je touche à lui, il va nous faire couler l'économie, etc. Je ne peux pas. Je m'excuse, mais je ne peux pas. N'est-ce pas? Ça, c'est quelqu'un qui est. Mu'tarif. Est-ce que Est-ce que c'est une excuse pour lui? Non, ce n'est pas une excuse. Ça veut dire qu'il a désobéi à Allah. Mais ici, c'est une désobéissance. Ce n'est pas un kufr akbar. Il n'est pas sorti de l'islam. C'est parce qu'il a reconnu que ce que je fais, ce n'est pas ça l'islam et que Allah subhanahu wa ta'ala va peut-être me punir pour cette chose-là que je suis en train de faire. Je suis en train de désobéir à Allah. On revient ici, c'est comme à l'échelle individuelle, quand on parlait un peu plus tôt, n'est-ce pas, la différence entre Ahlus Sunnah et entre les Khawarij, n'est-ce pas? Khawarij va te dire, tu as fait une erreur, même si tu reconnais, tu sors de l'islam. Nous, on ne croit pas en ça, n'est-ce pas? Mais ce qu'on croit, par exemple, celui qui fait le istihlal, celui qui te dit, moi je bois de l'alcool et je justifie que l'alcool, c'est ça le bien, l'alcool est bien de boire de l'alcool, il sort de l'islam. La même chose pour le juge, le dirigeant, la personne en autorité qui va juger par autre le jugement d'Allah et qui va te dire, ça c'est la bonne chose à faire. Et c'est ça la justice et t'es forcé à la suivre. Ça c'est un kufr. Mais s'il va te dire, je peux pas, je sais que je suis en train de faire la mauvaise chose. Ou bien il va esquiver, n'est-ce pas? Dans la loi, il va t'écrire, mettons, celui qui vole, on lui applique la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu ramènes son propre fils qui vient de voler, qu'est-ce qu'il va faire par exemple? Il va esquiver le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va te dire, non, mais il n'y a pas assez de preuves. Mais ça, ce n'est pas une preuve. Mais regarde, cette preuve-là, il y a une shubha. Mais tu n'es pas sûr. Ah, mais je pense... Il va esquiver l'application en tant que telle, l'aspect exécutif, pas l'aspect législatif. Là, ce n'est pas un kufr. Akbar mukhrij mina al-millah. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il a le droit de le faire. Mais ça, c'est une ma'asiyah, n'est-ce pas? Ça peut être un péché majeur, mais ce n'est pas un kufr qui fait sortir la personne de la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Est-ce que c'est clair? Et il peut être, comme il nous dit ici, le troisième cas, ça peut être une erreur. Ça veut dire que ça peut être une autre personne d'autorité, un juge, qui a fait de son mieux pour arriver au hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais sa déduction l'a mené vers la mauvaise conclusion. Ça, c'est une personne qui est pardonnée par Allah subhanahu wa ta'ala pour son erreur. C'est parce qu'elle a fait de son mieux pour arriver à la vérité. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est évident pour tout le monde? Pas de question, vous êtes sûr? Oui. Quand c'est, on va dire, un savant ou un prétendu savant qui travaille avec le gouvernement, qui les aide à appliquer, alors, ils ne le disent pas, mais ils les aident à appliquer ce qui est pas genre. Le frère, il dit. Qu'en est-il du savant? Quand il y a un savant qui ne le dit pas, mais qui va les aider à aider des personnes d'autorité à faire des choses comme ça, qui sont interdites dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Tu m'as rappelé ici un point important, parce qu'un frère m'a posé la question tout à l'heure. C'est très important de comprendre qu'en islam, les lois de l'islam s'appliquent à tout le monde. N'est-ce pas? Il n'y a pas des lois qui sont spécifiques aux personnes d'autorité, aux dirigeants, à part certaines règles qui les concernent. Mais le commun des lois de l'islam s'applique à tout le monde. Ça veut dire le fait, parce que le frère tout à l'heure m'a posé la question sur un dirigeant qui commet le kufr ou autre chose. Quand tu commets le kufr, n'est-ce pas? Le kufr, quelque chose de clair, de kufr, que tu sois un agent de sécurité, le gars des poubelles, n'est-ce pas, un banquier, un milliardaire, un dirigeant, un dignitaire, un pauvre, un riche, un homme, une femme, ça ne change rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un savant, n'est-ce pas, ça ne change rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le problème, l'une des choses qui ont détruit les nations avant nous, c'était quoi? C'est que quand il y avait quelqu'un de dignitaire, ou bien quand il y avait quelqu'un de faible et de pauvre qui désobéissait à Allah, il le faisait ramener et il le punissait. Et quand il y avait quelqu'un de dignitaire et de puissant, il le laissait et il le pardonnait. C'est ça ce qu'on appelle l'injustice. Non, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour tout le monde. Tout le monde est égal auprès d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Maintenant, pour les savants, ça dépend d'un savant. Comment, qu'est-ce qu'il va faire pour justifier ce mal que c'est dirigeants sont en train de faire. En général, c'est rare qu'il y ait un savant comme ça qui va te dire clairement, bon, moi je les supporte, qu'ils appliquent autre que la charia d'Allah, etc. Non. Habituellement, il va aller à droite et à gauche. Et ce à droite et à gauche peut être un péché, peut être un nifar, peut atteindre le niveau de zendaka, dépendamment de ce qu'il va dire. Comme il y a des savants ou bien des prétendus savants, autre chose, il va te dire, non, mais en islam, bon, lui c'est le dirigeant, il ne faut pas le critiquer, ça va causer la fitna, etc. N'est-ce pas? Il est en train de l'aider. Consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, ça je ne sais pas. Allah Ta'ala a'lam. C'est lui qui sait ce qui est à l'intérieur du cœur. Mais il est en train de l'aider de façon qui est indirecte. Il dit, moi, je ne supporte pas ce qu'il est en train de demander de faire. Mais c'est mieux de ne pas faire la fitna comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, etc. Laisse-le, soyons patients, Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? Donc, il va détourner les solutions en tant que telles. Il est d'accord avec toi sur le problème, mais il va essayer d'esquiver les solutions. Tu comprends? Oui. Est-ce que la contrainte elle peut changer d'une personne à l'autre? Parce que par exemple, si nous on est contraint, ça sera pour notre propre personne. Mais si un savant il est contraint, il va égarer. Oui, exactement. Oui, ça se peut. Oui, exactement. Non, sahih. Un savant, si on l'oblige à dire quelque chose qu'il est contre et qu'il est contraint, il ne doit pas. Dans certaines situations, il ne doit pas. Et dans d'autres, il doit. C'est quelque chose qui est plus nuancé, encore une fois. On ne peut pas donner de réponse qui est générale. Mais la contrainte peut dépendre d'une personne à une autre. Comme le frère, il a posé tout à l'heure la question, n'est-ce pas? Après le cours, une autre ambiguïté, une autre choubha, n'est-ce pas? Ils vont dire, bon, ces dirigeants dans les pays arabes et autre chose, ils n'appliquent pas la loi d'Allah, c'est parce qu'ils sont contraints. Comment ça, ils sont contraints? Ben, ils sont forcés par les grandes puissances et ainsi de suite. On leur dit, ben, si tu appliques la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala, voilà ce qui va t'arriver, et voilà ce qui va t'arriver, et voilà ce qui va t'arriver. Est-ce que ça, c'est vraiment une contrainte? Non. La réponse est simple. C'est parce qu'il n'y a rien qui te contraint à rester en position de pouvoir. Tu vois? Si tu ne peux pas faire ton travail, ton devoir d'appliquer la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala, rentre chez toi, va te reposer, et là, il n'y a aucune puissance qui va te soucier de toi. Tout le monde va te laisser tranquille. Et laisse la place à quelqu'un d'autre qui a plus de courage, et plus de force, et plus de iman, et qui est capable de faire face aux conséquences. Vous comprenez? Oui. Le savant, il a l'obligation de dévoiler ce qui se passe, c'est-à-dire de dire qu'un dirigeant, s'il est bon. Non. Pas toujours. La yukallifullahu nafsan illa wusa. On ne va pas entrer dans ça, mais le savant n'a pas toujours l'obligation de dire la vérité. Parfois, il peut craindre pour, n'est-ce pas? Parfois, il peut dire, bon, moi j'ai fait mon travail, n'est-ce pas? Il peut dire, moi j'ai rien dit de très clair, j'ai pas nommé des noms, j'ai pas fait autre chose, mais j'ai fait une khutbah, n'est-ce pas? Tout le monde l'a entendu. J'ai dit aux gens que celui qui ne juge pas par la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala, voilà et voilà et voilà ce que les savants ont dit à propos de lui. Et je me tais. Après ça, c'est la responsabilité des gens à porter ça à un autre niveau. Je ne veux pas avoir plus de problèmes. Il n'y a pas de mal. Mais ce que le savant n'a pas le droit de faire, c'est quoi? De dire le faux. De défendre le faux. Si tu ne peux pas dire la vérité, alaykoum salam. Si tu ne peux pas dire la vérité, tu gardes ton silence. C'est ça la loi, c'est ça la règle en islam. Soit tu dis la vérité, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il dise du bien ou bien qu'il se taise. Soit que tu dis du bien, tu dis la vérité, ou bien pas de problème. T'as peur, t'as pas assez de courage, n'est-ce pas? T'es quelqu'un qui a une personnalité qui est faible. Tu crois que les gens sont tellement égarés du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala que même si tu dis la vérité, ça ne va pas servir à grande chose. Les gens ne vont pas t'écouter, ainsi de suite. Tais-toi et parle d'autre chose. Oui. Fais comme Barak. Ça veut dire quelqu'un qui, on va dire un savant ou quelqu'un qui a une connaissance, il ne sera pas jugé par ce qu'il n'a pas dit ou par ce qu'il n'a pas fait? Non. Il ne sera pas jugé sur ça? Non, on ne peut pas dire oui ou non parce que ça dépend. Ça dépend des situations. Comme j'ai dit, là, on est en train de parler des situations de contrainte. Mais dans une situation normale, non. Ça veut dire s'il n'y a pas de contrainte, s'il n'y a pas de menace pour un savant, de menace majeure, de contrainte majeure, non. Le devoir du savant, c'est de faire de son mieux pour expliquer la religion à chaque fois que c'est nécessaire de le faire. Et puis, l'autre chose, en tant que musulman, notre plus grosse contrainte, ça ne devrait pas être la crainte d'Allah et l'enfant. Donc, comme, en voulant dire, comme, en tant que musulman, il y a... aucune autre contrainte que... Non, attention, non. Il faut faire attention. Il y a, bien sûr, la contrainte spirituelle. Ça veut dire notre aqid, n'est-ce pas? Notre peur ultime doit être la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la crainte de la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais attention, cette crainte-là, comme on le répète toujours, n'est-ce pas, doit toujours être liée avec la jurisprudence. Ça veut dire que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas une religion générale qui a laissé seulement les grandes lignes ouvertes comme ça. Craignez Allah et le jour dernier, ça s'arrête. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit craignez Allah, craignez le jour dernier. Et il nous a détaillé comment craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'un de ces détails, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il sait que خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, l'être humain, il est faible. Ce n'est pas un ange, n'est-ce pas? L'être humain, il est faible de par sa créature. Allah subhanahu wa ta'ala a fait dans sa religion quelque chose qui s'appelle al-ikrah, qui s'appelle ad-darura, qui s'appelle la contrainte. Ça veut dire ici ce qu'on appelle la contrainte, ça veut dire par la force. T'es contraint, voyez-vous? T'es contraint par les circonstances. Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit ici, c'est pas le fait, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. C'est dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que, sauf celui qui est contraint à dire le kufr, à dire la mécréance, alors que son cœur, il est mutma'in. Il est confortable avec sa foi. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Tant que tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné le droit de dire telle chose ou bien de faire telle chose ou bien de taire dans telle situation, khalas. Tu n'as pas à craindre la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce que c'est la religion d'Allah qui t'a ouvert cet espace-là. Tu comprends? Non. La question, en fait, est-ce qu'il y a des conditions pour appliquer la loi d'Allah, en fait? C'est-à-dire, dans nos sociétés, si on regarde aujourd'hui, on trouve qu'ils sont quasiment dans l'égarement total. Est-ce que c'est applicable, ces lois, sachant que déjà les gouverneurs, ils sont vraiment dans l'égarement? Le frère, il pose, est-ce qu'il y a des conditions pour l'application de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala? Bien sûr, quand on parle de l'application d'Allah subhanahu wa ta'ala au sens large, n'est-ce pas? La loi d'Allah subhanahu wa ta'ala au sens large, c'est la religion d'Allah, n'est-ce pas? Ça veut dire, moi personnellement, je dois appliquer la loi d'Allah, ça veut dire je ne bois pas l'alcool et je ne désobéis pas à Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Quand on parle maintenant de l'application de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala au sens spécifique, ça veut dire à l'échelle communautaire, à l'échelle officielle, avec une autorité, autre chose, sa première chose, bien sûr, ça doit être dans un pays musulman, dans une terre d'islam, qu'on appelle où il y a tamkin, ça veut dire une terre où c'est la terre des musulmans, en quelque sorte. Donc, tu ne vas pas demander à des non-musulmans d'appliquer la loi d'Allah alors qu'ils ne croient même pas en Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Tu dois leur parler d'Allah subhanahu wa ta'ala avant la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, la seule condition majeure pour appliquer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces détails, c'est quoi? C'est al-qudra. Revient le qawa'id al-fiqhiyya. Al-wajibat ou tasqutu bi al-ajz. Les obligations sont mises de côté dans des situations d'incapacité. Et ça, en passant, c'est une autre shubha, n'est-ce pas? Les savants comme ça, défendeur des gouvernements, bah, il va te dire, il n'applique pas la loi d'Allah, c'est très simple. C'est parce qu'il est incapable. Il va te dire, par exemple, s'il va l'appliquer, même les gens de nos jours ne vont pas accepter. Les populations vont se révolter, vont dire, on ne veut pas ça, c'est trop, n'est-ce pas, c'est trop difficile pour nous, c'est très strict, etc. Des choses comme ça, des ambiguïtés générales, que ça peut te sembler, ah, ça a du sens, alors qu'en réalité, ça n'a pas de sens. C'est impossible que quelqu'un soit complètement incapable d'appliquer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, ce n'est pas des sociétés de musulmans, ça. Voyez-vous, donc, les détails de la religion, oui, ça se peut que ce soit difficile. Ça veut dire, c'est certain, n'est-ce pas? Mettons, par exemple, quelque chose comme interdire le foot dans les pays arabes. Le foot, ça veut dire pas le fait de jouer le foot en tant que compétition, n'est-ce pas? Qu'on voit que, n'est-ce pas, les gens vont aller, vont prendre de la drogue, n'est-ce pas, les couteaux, les crimes, n'est-ce pas, les guerres, des morts, etc., pour un match de foot. Ça, c'est clair que ça, c'est une mafsada, n'est-ce pas? C'est un mal qui est beaucoup plus grand que le bien. Je ne parle pas du foot en tant que sport, les gens qui le pratiquent comme ça, de façon qui est entre amis. Je parle en tant que compétition qui est devenue presque une religion, n'est-ce pas, que les gens, tout le pays va s'arrêter pour regarder le foot, etc. C'est certain qu'une chose comme ça, c'est très difficile de l'appliquer du jour au lendemain. Voyez-vous, si tu vas dire, il faut vraiment être, n'est-ce pas, Omar ibn al-Khattab pour dire du jour au lendemain, ça y est, dans tel pays arabe, on arrête le foot en tant que compétition finie. Celui qui veut pratiquer dans son quartier, pas de problème, mais compétition majeure, etc., oubliez ça. C'est certain, là, tu vas avoir, n'est-ce pas, tu vas avoir des groupes là qui vont se former, des groupes armés, etc., pour défendre le foot, n'est-ce pas? Ça, c'est normal, on peut comprendre. Mais il y a d'autres aspects évidents de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. 95%, si ce n'est pas plus, des musulmans vont être avec toi à 300 à l'heure, n'est-ce pas? Si tu vas dire, par exemple, dans les pays musulmans, j'interdis l'alcool, j'interdis la production et la vente d'alcool, je ferme les bars, tu vas avoir 1%, 2%, 3% de personnes qui ne seront pas contentes. Et c'est normal, il n'y a pas une loi dans le monde qui a fait l'unanimité de toute la société. Si tu vas dire, ma banque, la banque du gouvernement va arrêter, il n'y a plus d'intérêt, la banque du gouvernement, ça veut dire le taux directeur, on réduit à 0%, il n'y a plus d'intérêt de riba et ainsi de suite. Qui va être contre ça? À part quelques, peut-être, Richard, comme ça, des millionnaires, etc. Ça ne fait pas leurs affaires, n'est-ce pas? Si tu dis qu'on applique la punition du voleur à partir d'aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est qui va se révolter? Celui qui va se révolter, c'est le voleur. Ça, on te connaît. On va te mettre sur la liste, sur le watch list, là. On attend 50 ans. Prochain crime, vous comprenez? Donc, ce n'est pas vrai de dire « Ah, mais on est incapable d'appliquer la loi d'Allah, khalas, on met tout à la poubelle comme ça, ou l'iyadu billah. » Non. Même si tu es incapable, en pratique, ça veut dire en termes de pouvoir exécutif, au moins tu le mets dans la législation. Tu dis « La vente d'alcool est interdite. Il est interdit d'avoir des bars dans ce pays. » Même si tu es incapable de fermer les bars, mets-le dans la législation. Parce que si tu le mets dans la législation, quelqu'un va venir à un certain jour où il va avoir le pouvoir exécutif, il va trouver l'astuce pour pouvoir l'appliquer et la législation sera déjà présente. Mais si tu vas faire grandir toute une génération de nouveaux musulmans comme ça, toute une génération qui va, n'est-ce pas, passer à travers ta nouvelle constitution, autre chose, comme ça, 40 ans, 50 ans, les gens vont grandir comme ça, première, deuxième génération, que tout le monde va dire non, non, dans la loi, pas de problème, ouvre des bars et ainsi de suite. Oublie l'islam. Oui, mon frère. Oui, par exemple, c'est une chose qui est difficile de nos jours. Par exemple, la fête du Morolais, des tout ça. Malheureusement, les gens, ils ne savent pas que tout le pays au complet, ils font cette débat. Oui, exactement. Ça, c'est des... Regarde, mon frère, quand on parle d'appliquer de nos jours, quand on parle du problème d'appliquer la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en général, ce qu'on veut dire par ça, il faut bien comprendre, parce qu'ils vont tous répéter les mêmes ambiguïtés. Ils vont te dire, mais quelle loi tu vas appliquer? Il y a des différences d'opinion entre les savants, n'est-ce pas? C'est toujours les mêmes excuses qui vont faire sortir, n'est-ce pas? Non. Quand on parle de ça, on parle essentiellement à 95%. On part dans notre réalité aujourd'hui d'appliquer les grandes lignes. Ça veut dire le commun de la religion d'Allah. Ce que tout le monde comprend que ça c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que l'alcool est interdit, le porc est interdit, n'est-ce pas? Que la prière est obligatoire, n'est-ce pas? Que la zakat est obligatoire. Est-ce que vous avez vu un pays musulman prendre soin de la zakat? Dire le gouvernement va prendre la zakat à chaque année comme ça. Il y a un ministère de la zakat. C'est comme ça que ça fonctionne en islam, n'est-ce pas? Ministère de la zakat, on va voir tout un ministère responsable de récolter la zakat, la redistribuer aux pauvres et ainsi de suite. Non, ça n'existe pas, voyez-vous. Alors que Abu Bakr radiallahu ta'ala an, on appelle Hurub al-Ridda l'apostasie lors du temps de Abu Bakr radiallahu an, c'est les gens qui ne voulaient pas payer la zakat. C'est une seule pratique majeure de l'islam. Que dire si Abu Bakr radiallahu anhu, il voyait ce que les gens sont en train de faire de nos jours? Ni zakat, ni saoum, ni salat, ni rien du tout. Wal'iyadu billahi subhanahu wa ta'ala. C'est clair? Donc, quand on parle d'appliquer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à ce que quelqu'un pourrait comprendre, ou bien même ce qu'on va essayer de te faire, n'est-ce pas, quand ils font peur aux gens et ainsi de suite, appliquer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui ne veut pas dire interdire le maoulid, ou bien même interdire la musique, et interdire telle chose, c'est parce qu'en pratique, n'est-ce pas, pour appliquer ces choses-là, c'est presque impossible. Tu as des générations qui ont grandi sur ça. Ce que je vais faire en tant que musulman, en tant que gouverneur musulman, on va appliquer les grandes lignes. Et après ça, on va commencer à travailler sur l'éducation. La prochaine génération, dès son jeune âge à l'école, on va commencer à lui apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, les bonnes bases, n'est-ce pas? À travers les médias officiels, etc., on commence à apprendre aux gens leur religion. On relance la religion, la place de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les mosquées, n'est-ce pas? Le gouvernement va financer des cours, des savants, ainsi de suite, dans les mosquées, etc., etc. On va faire vivre. Les gens vont commencer petit à petit à revenir à la religion, etc. Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, tu vas avoir une situation qui va être complètement différente. Ce n'est pas quelque chose du jour au lendemain comme ça, ça y est, sharia, tout va fermer, tu vas changer comme ça. Ce n'est pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire. Oui. C'est-à-dire, quand on a, par exemple, on a un hakim comme Omar Murtada, radiallahu anhu. On va se poser la question, c'est-à-dire, le contexte actuel, on a le hakim. Ah, c'est ça, exactement. N'est-ce pas, comme le frère, il dit, nos dirigeants de nos jours, c'est des dirigeants qui sont des zanadiqa. D'où l'importance de comprendre ça. C'est pour ça que dans un pays arabe du style Husni Mubarak, n'est-ce pas ce chapitre de la foi, on ne peut pas l'enseigner. Si on va enseigner ce chapitre de la foi dans le gouvernement de Husni Mubarak, gare à chacun ici qui est venu ici. Gare à chacun d'entre vous qui avait assisté à ce cours. Voyez-vous, c'est parce que le pire chapitre que les gouverneurs détestent, c'est ce chapitre-là, sur la foi, qui fait comprendre aux gens c'est quoi le concept de la foi en islam. C'est pour ça qu'une fois que les gens comprennent c'est quoi le statut légal de tel dirigeant, on ne parle pas des dirigeants en général. Notre problème, comme on a mentionné, en islam, l'islam n'est pas une religion qui donne le profit, n'est-ce pas, aux dignitaires et aux dirigeants, etc. Et ce n'est pas aussi une religion que par défaut, tu es l'ennemi des dirigeants, comme c'est le cas, par exemple, dans les systèmes anarchistes et autre chose. Pour nous, le dirigeant, c'est une personne parmi d'autres. On lui applique les mêmes règles que tout le monde, ni plus ni moins. S'il est bien, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense et ainsi de suite. Mais les dirigeants, comme on voit de nos jours dans les pays arabes, les gens doivent comprendre que le statut légal de ces dirigeants-là, c'est quoi? C'est que ça, c'est des zanadiqa, qui sont sur un autre chemin que le chemin de la religion. C'est à 180 degrés. Une fois que les gens comprennent ça, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est très clair. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Vos dirigeants, vous devez les respecter, leur obéir. S'ils font du mal, des erreurs, vous devez être patient, n'est-ce pas, etc., etc., etc. Ce que le hadith que les dirigeants les aiment tous, c'est ça le seul hadith qu'ils vont te laisser finir. Mais par contre, juste avant la dernière phrase, ils vont t'arrêter. Ils vont te dire « Khalas, khalas, on connaît le hadith. Dis pas le reste. » Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la fin? « Illa an taraw kufran bawahan indakum fihi min Allahi burhan. » Sauf si vous voyez un kufr bawah. Regardez bien, écoutez bien ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il a dit « Sauf si vous voyez. » Vous voyez. Est-ce que la croyance dans le cœur on la voit? Non. Moi, ce qui m'importe, c'est les actions. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, sauf si vous voyez une croyance qui est évidente. عندكم فيه من الله برهان. Que vous avez une preuve. Ce n'est pas ijtihad d'un savant. Ce n'est pas parce que mon cheikh a dit que c'est interdit que je vais dire, ah, ce cheikh, ce dirigeant, il a désobéi à Allah. Non. Quelque chose. C'est pour ça que les savants, les grands savants de l'islam, quand ils expliquent ce hadith, comme Imam al-Qurtubi, alayhi rahmatullahi ta'ala, et ainsi de suite, ils donnent des exemples. Ils n'ont rien laissé par hasard est quelque chose qui est vague. Les savants de l'islam, alhamdoulilah, nous ont tout expliqué. N'est-ce pas l'imam al-Qurtubi qui est l'un des grands savants de Malhab de l'imam Malik, rahimahullah, de l'Andalousie, pour que personne ne dise ici qu'on est en train de faire promotion du wahhabisme saoudi, etc. N'est-ce pas? Imam al-Qurtubi, rahimahullah, c'est l'un des grands savants de l'Andalousie, de Malhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Il a dit, quand il explique ce hadith, il te dit, c'est quoi ce kufr bawah, indakum fihi min Allahi burhan? Il te dit, comme par exemple, s'il rend licite la fornication et l'alcool et telle autre chose, ça veut dire les choses apparentes de la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, ce qu'on appelle un kufr bawah. Quand les musulmans comprennent c'est quoi le iman, ils comprennent que dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tel et tel dirigeant l'appelle zindir, et que suite à ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, tu ne touches pas à ton dirigeant sauf si tu vois kufr bawah, khalas. Le savant, il a fait son travail, il a expliqué à la société. Après ça, c'est le devoir du reste de la société de faire son travail. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ce qu'ils ont fait à Husni Mubarak. De nos jours, il y a combien de pays qui appliquent la loi de l'Allah? On ne veut pas s'étaler trop sur les exemples, n'est-ce pas? Parce qu'on veut rester avec le cours de Aqidah, parce que la théorie est plus importante dans ce cours que les pratiques. Mais brièvement comme ça, il n'y a pas un pays aujourd'hui dans le monde, un pays, je ne parle pas de, je ne sais pas, un village en Afrique, etc., le type de, n'est-ce pas, de pays comme ça, le type de terre où l'autorité est très décentralisée, ça veut dire où l'autorité centrale n'a pas vraiment de contrôle sur le reste du pays, n'est-ce pas? Et tu peux avoir parfois une tribu, un chef de tribu ou autre chose, qui se disent, bon, notre grand-père, c'est lui le chef de la tribu, et lui, c'est un savant de l'islam, il va dire, on applique la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, je ne sais pas. Allahu a'lam. Mais si on parle des pays qu'on appelle aujourd'hui les pays, c'est zéro. Les pays qui appliquent la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est zéro pays. Il n'existe pas un pays dans le monde aujourd'hui qui applique la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne soyez pas leurrés par les apparences ou bien par les prétentions. Taïb, et finalement, dernier point que l'imam Tahawi rahimahullah ta'ala il a mentionné, qu'est-ce qu'il nous dit ici? وَلَا نَرَى السَّيْفَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفَ. Il a dit, et en tant que musulman, on ne porte pas l'épée. Ça veut dire, on ne touche pas au sang de notre frère en islam, sauf quand c'est clairement spécifié dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans le cas, par exemple, de la peine de mort. Mais à part ça, on ne touche pas au sang de notre musulman et de notre frère en islam. Ça, ça fait partie aussi des fondements de notre croyance. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.